Bonjour, là c'est le vrai bonjour, c'est Cargocul qui s'embarque avec vous, bienvenue à bord pour 1h30 et bienvenue autour d'un disque que là vraiment je me plais beaucoup beaucoup à vous raconter et puis surtout à vous faire écouter. MC 900 Feet Jesus, quel nom accouché dehors et en même temps quel nom génial, on va y revenir, et son album Welcome to My Dream qui paraît en 1991. MC 900 Feet Jesus. Un MC avec un Jésus de 900 pieds de long. Ce disque, il faut l'avouer, est passé totalement sous les radars à son époque. Au point où c'était vraiment, pour les quelques aficionados qui avaient repéré ce truc-là, et j'en faisais partie, c'était la perle rare. C'était presque un... C'était un secret que se partageaient quelques-uns. Et c'est amusant de voir que ce disque va connaître quand même des réhabilitations, mais jamais vraiment celles qui méritaient. Donc ça a toujours été un disque de seconde zone. MC 900, probablement un de ces brillants outsiders, un quasi-loser magnifique comme l'Amérique peut en produire. Et pourtant, un musicien hors pair, l'auteur d'un disque extraordinaire et exceptionnel, c'est celui qu'on décrit aujourd'hui, et en tout l'auteur de trois albums. Et de fait, les trois sont intéressants. Mais c'est le deuxième qui va concentrer un petit peu tout l'audace que je vais décrire aujourd'hui. Alors c'est quoi ce disque? C'est une rencontre assez improbable, et d'ailleurs qui n'a pas été strictement renouvelée, entre du hip-hop et des atmosphères de roman noir. J'ai envie même de m'empresser de dire un hip-hop blanc face à du roman noir. Des grands grimoires hip-hop, il en existe déjà en 1991. On a déjà parlé ici du Fear of the Black Planet de Public Enemy qui paraît en 1990. On peut aussi citer De La Soul qu'on évoquait là, qui un an ou deux ans avant sortait Feet High on Rising. Bref, le hip-hop est là et clairement une culture forte. Et pas encore strictement un truc de masse avec des bagouses en or et du gangster swing, quoi. Au milieu de ça, des petits blancs excités par le hip-hop, y en a pas mal. Et c'est exactement ce qui va se passer avec MC 900 Feet Jesus. Alors lui, c'est Mark Griffin, en fait. Il naît sous ce nom-là. C'est un artiste de Dallas. Il est originaire du Kentucky, mais c'est à Dallas qu'il s'exprimera. Et... son disque qui va finalement mêler des atmosphères très troubles, vous allez voir, en fait, invente, même si le mot n'est pas encore dit, en tout cas participe à l'invention de ce qu'on va appeler pas très longtemps après le trip-hop. C'est-à-dire un hip-hop volontiers aventureux qui va sortir un petit peu des schémas du hip-hop, du hip-hop classique, dirons-nous, et aller expérimenter avec non seulement des sons un petit peu différents, mais chez MC 900 Feet, Jesus, dans des univers qui ne sont pas du tout ceux du hip-hop, et donc celui du roman noir, et même celui du spoken word. Et pas du tout celui du spoken word au sens d'un slam poussé et d'une harangue telle qu'on les connaît chez les MC, évidemment. Ça existe, c'est même un des fondamentaux du hip-hop. Non, du texte dit... plus même que parler, susurrer, filtrer, et au service, en fait, d'une narration. Une narration colossale dans cet album-là, c'est plus qu'une narration, c'est une intrigue. Et ça, c'est un truc qui a totalement échappé à la critique, aux auditeurs de l'époque. C'est très étrange. Surtout que le disque varie entre des atmosphères instrumentales, finalement, alors pour le peu, très proto-trip-hop, et contient en son centre, finalement, à la façon d'un Big Mac bien serré, tout le jus de cette intrigue policière, roman noir, qui constitue le fil noir de l'album. Fil noir, bien plus que fil rouge. Welcome to my dream, comme il est dit. Et ça, personne ne l'a compris. Ou presque. Alors allons-y, réhabilitons un peu ce MC 900 Feet, aka Mark Griffin, résident de Dallas, hein, mais qui naît au Kentucky, voilà. Bon, bah voilà, il est ni New-Yorkais, ni de San Francisco, ni de Chicago, quoi. C'est un plouc blanc, il a une tête de vendeur de voitures. pardon de commencer aussi mal la description, mais il faut chercher parfois les raisons d'un échec. Elle pourrait s'expliquer comme ça, pas une espèce d'aura qui soit totalement anti-glamour et qui ne fonctionnerait pas dans les pages de magazines, même branchées de l'époque. Et pour autant, Mark Griffin, c'est un vrai musicien et doué. Trompettiste de formation, mais il joue aussi des claviers, vocaliste évidemment. Tout ce disque finalement est de sa main, à part les scratchs de hip-hop. C'est un programmeur très très habilité, en plus d'un songwriter. C'est aussi un guitariste qui a joué dans un groupe tout à fait dans l'esprit hardcore indé à la Fugazi, si vous voulez, au milieu des années 80, qui s'appelle Lithium Xmas. Bon, il y a un groupe, on n'a pas retenu non plus le nom, mais qui existe. Voilà. Et il va y avoir chez lui un savant mélange, et clairement le mieux exprimé sur ce deuxième album, entre du hip-hop, certes, et avouons-le, du trip-hop, le mot n'existe pas, mais c'en est, de l'électronique, clairement, des atmosphères indus, noise, mais aussi du jazz, beaucoup, du funk, ça, et de la soul pour le peu, hein, soit par de bassline absolument formidable, il n'y a pas son pareil, MC 900 Feet pour faire ça, ou soit par biais de samples dûment cités, justement. Et ajouter à ça la poésie, un véritable art du storytelling. Et c'est probablement plus ça que je vais développer aujourd'hui avec vous. Puisque les lyrics de l'album du jour, Welcome to my dream, alors je ne peux pas empêcher de me dire que ce titre est un peu neuneux, Welcome to my dream, bienvenue dans mon rêve. Ça manque d'opiniâtreté, là où tout le contenu du disque, lui, en déborde. Mais enfin, peu importe. Je m'amuserais comme ça à essayer de trouver des explications qui justifieraient le relatif échec de ce disque. Je dis bien relatif, il s'est quand même un peu vendu, mais c'est un disque qui a été samplé par U2 et volé dans une pub Levi's. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Et ben malgré tout, ça ne l'a pas fait. Bon, retour sur le concept même de cet album qui va explorer l'esprit d'un pyromane en série. Et plus spécialement avec le single phare qui va être extrait de ce disque et qui est vraiment le titre phare, à mon avis, de l'album, The City Sleeps. MC 900 Feet Jesus, donc Mark Griffin, c'est déjà un nom de scène absolument incroyable et évidemment provocant. Ce nom vient en fait et emprunté au discours d'un sermon d'un télé-évangéliste qui s'appelle Oral Roberts. C'est un de ces télé-évangélistes texans pour lequel on faisait passer les cartes bleues pour des donations dans des gigantesques rituels religieux, le tout télévisé. Enfin, on est aux États-Unis et on est même dans l'Amérique de l'Amérique puisqu'on est au Texas. Et ce télé-évangéliste déclarait avoir reçu la vision d'un Jésus de 900 pieds de haut. 900 pieds de haut, je fais le calcul pour vous, c'est 270 mètres. Bah là, hein, tout voir grand hein, quand on voit religieux. Et ce Christ de 900 pieds de haut, il aurait instigé l'ordre de construire un hôpital dans la banlieue de Dallas, etc. Bon, hein, une bonne chose, c'est construire un hôpital. Enfin voilà, on est dans ce domaine-là, et Mark Griffiths, il emprunte son pseudonyme-là. Donc il met tout de suite le doigt là où ça fait un peu mal, dans une Amérique, qui est cette Amérique-là, quoi. Et qu'il est probablement toujours. Quand l'album va sortir, donc en 1991, Welcome into my dream, je disais que très peu de gens avaient repéré l'intelligence de cet album, parce que tout est dans l'intelligence, c'est même plus qu'un savoir-faire, c'est dans l'intelligence. Et il y a quand même des... Mark Derry, par exemple, qui est un journaliste que j'ai déjà cité ici. Mark Derry, c'est un journaliste britannique qui allait se faire connaître en écrivant un article très important en 1992 qui s'appelait « Black to the Future ». Et dans « Black to the Future », est prononcé, écrit et conceptualisé pour la première fois le terme afrofuturisme. Ok, alors vous allez me dire, on en est assez loin avec MC 900 Feet. Ouais, pas strictement prêt, parce que le petit gars est un vrai blanc assumé, quand bien même il va justement emprunter à la culture noire la substance même de son style et aussi de ses samples. Mais on est aussi quand même dans un schéma de figure hip-hop et de reconstruction, de déconstruction, tant de musique que du mythe américain lui-même. Et tout ce disque est finalement un American Way of Life durement tourmenté. Mark Derry a cette expression assez fabuleuse à propos d'MC Nano Defeat Jesus. Il va dire qu'il est un artiste qui crée un électroencéphalogramme musical de l'esprit religieux américain, à savoir avec l'épilepsie, l'extase et tout le tam-tam et tout le reste. Bien envoyé quand même. Très bien envoyé. Mais le disque va être globalement ignoré. Finalement, il va être révélé que 5 ans après, après que le premier morceau du disque, Falling Elevators, ait été inclus dans une pub Levi's, une pub pour les fameux jeans 501, pub européenne d'ailleurs. Et c'est seulement en 1996, alors le truc forcément passe sur tous les écrans de télé, comme toute pub Levi's, c'est très léché, c'est très remarqué, il y a d'ailleurs un petit storytelling assez savoureux autour d'une espèce de femme fatale braqueuse qui va se retrouver dans un toilette de station-service confrontée à un aveugle. Ajoutez à ça que cette femme fatale, elle est jouée par Béatrice Dalle. Donc on tient tout pour faire un culte. Ben oui, mais non. Ça ne marchera pas. Tout comme la bande-son donc, de la pub, qui évidemment va être judicieusement éditée en single, quand bien même c'est 5 ans après la création du disque original, elle va être éditée en single par le label Network, chez qui l'album est signé. Que nenni, ce ne sera pas plus de succès non plus. Finalement, Mark Griffin, alias MC Nano Defeat, n'aura eu que de cesse de rater la marche du podium. Et pourtant, il méritait une place. Welcome to My Dream, qui est donc cet album qui explore l'esprit d'un sociopathe, spécialement celui d'un pyromane en série, c'est donc un album cinétique, cinématographique, n'ont pas peur du mot, et qui est encadré par deux instrumentaux de haute facture. Il y en a même un troisième qui se balade au milieu du disque, finalement, pour en faire la césure. Mais il y a, et c'est très dommage, il y a beaucoup de gens qui ne s'en étaient pas rendus compte à l'époque, il y a cette importance des lyrics qui, je le répète, ne s'inscrivent pas dans un schéma de chanson traditionnel, pas plus que de rap. Il s'agit plutôt d'une vraie prose, avec des textes longs, très très obsédants, parfois des litanies, comme le morceau Perfect Gun, qui sera le dernier morceau chanté, dit, qu'on entendra dans l'album. Puisque le vrai dernier disque de l'album, lui, sera un instrumental. Je le répète, le disque était comme ça, solidement charpenté et constitué par deux titres instrumentaux très forts. Le premier, c'est celui qui sera volé par Levi's. Enfin, volé. Il faut quand même payer le morceau. Là. Je pense qu'au niveau ayant droit, il y a quand même une voix à quelque chose. Et puis un deuxième, qui est assez fabuleux aussi, qui avait été un petit tube extrêmement joué sur Radio Nova à l'époque, Dancing Barefoot. Alors un petit tube, un petit morceau d'airplay, mais là encore, voilà, pas strictement dans l'actualité de la sortie du disque. Et c'est là d'ailleurs qu'il y a un double mésentendre sur cet album, c'est que finalement, quand ce disque a fini par être un petit peu auréolé, justement, à partir de 1995-96, et notamment par toute la génération trip-hop, par des gens comme James Lavell, qui était le fondateur de... J'ai oublié ce nom de label, mais enfin, on le connaît très bien. Mowax, qui avait volontiers cité ça dans ses influences. Du coup, on s'est intéressé à l'aspect strictement musical et instrumental de MC Nano Defeat. Alors qu'effectivement, il y a tout un contenu qui est, à mon avis, encore plus important dans les lyrics, dans cette poetry. Et c'est spécialement le cas de l'album Welcome into My Dream, qu'on va donc écouter aujourd'hui. Justement, un petit mot sur ces lyrics. Le morceau Killer Inside Me va décrire un hometown boy ordinaire, si vous voulez, mais au fond de lui, un véritable sociopathe. On est d'emblée dans un personnage noir et c'est clairement un clin d'œil, plus qu'un clin d'œil d'ailleurs, c'est une référence au, au disque, non, au roman de Jim Thompson, The Killer Inside Me. Et ça a connu une adaptation cinématographique d'ailleurs plus tard, en 2010. Suicide, Adventure and the Failure, qui reprend exactement le même truc. C'est-à-dire que le sociopathe étant identifié, ou s'identifiant par lui-même, puisque tout le disque finalement est parlé à la première personne. C'est ce qui va d'ailleurs provoquer probablement pas mal de mésententes et de... Enfin, j'y viendrai après. Vous allez voir, ce disque, finalement, même s'il n'a pas eu de succès, il a eu une aura un tout petit peu maléfique. Et on va arriver ensuite à The City Sleep. C'est le morceau phare de l'album. The City Sleep, là encore, on peut penser à des influences de romans noirs, hein, Quand la ville dort, ou de films noirs. Bon, cela dit, Quand la ville dort, hein, c'est le fameux film de John Huston, s'appelait en fait à l'origine Asphalt Jungle. Donc c'est pas évident d'en faire un strict copier-coller comme ça. Mais par contre, il y avait un Wild City Sleep qui, lui, était signé par Fritz Lang et qui mettait en scène un tueur en série, un tueur au rouge à lèvres. Et bien, figurez-vous que la chanson The City Sleep décrit quelque chose qui est très proche. C'est-à-dire qu'on est là chez un sociopathe qui s'avère un criminel en série, et spécialement un pyromane. Everyone has a little secret he keeps. I like the fire when the city sleeps. Vous avez tout à fait intérêt d'ailleurs, pendant l'écoute de ce disque, à aller jeter un coup d'œil aux lyrics qui sont tous en ligne, hein, par genius.com, vous les trouverez. Ça vaut le coup de suivre au mot à mot un petit peu ce qui se dit là, quoi. Et voilà, et on continue titre en titre à rentrer comme ça dans l'esprit de ce criminel, là encore en parlant à la première personne. L'apothéose venant, en fait, quand tellement paranoïaque, le héros, parce qu'appelons-le le héros de ce disque, finalement, se voit sur des couvertures de magazines et pense qu'elles sont, en fait, subtilement retouchées pour se moquer de lui, mais qu'en fait, c'est quand même lui, etc. Et voilà, et qui parle un petit peu de la sueur froide de son front. The cold sweat of your brow. Et là, ce que va faire Mac Griffin, c'est ajouter une petite citation, un sample comme ça, très finement filtré, du « Cold Sweat » de James Brown. « The Cold Sweat of Your Brown » versus le « Cold Sweat » de James Brown. Alors, il dit comme ça, on pourrait penser que c'est un gimmick un peu vulgaire. Pas du tout, vous allez voir, ça fonctionne comme ça, comme une espèce de sucrerie mise sur le gâteau, quoi. Et puis la litanie de fin, the perfect gun is too soft to be honest and too honest to be true. C'est un titre à rallonge, en fait. Le texte n'arrête pas de défiler. Et parle donc de cette arme parfaite, le perfect gun n'est pas visible, le perfect gun existe à l'état sauvage, le perfect gun suivra les tendances libres du désir, le perfect gun est comme un chapelet autour du cou. Et ces allusions à la religion d'une force inouïe, et puis totalement iconoclaste, évidemment. Le perfect gun s'étend aussi loin que les yeux peuvent voir. Le perfect gun écrit des lettres d'amour tristes et ardentes. Le perfect gun est une hiérarchie comme les autres. Le perfect gun n'a rien à faire avant de mourir. Le perfect gun laisse un cadavre exquis. Parfait, parfait, parfait. Et cette référence au cadavre exquis, hein, même traduite en français, croyez-moi que chez Mark Griffin, c'est évidemment un clin d'œil appuyé et réel au principe du cadavre exquis inventé par les surréalistes au début du XXe siècle. Évidemment, évidemment. Donc les références culturelles de Mark Griffin, permettez-moi de vous dire qu'elles sont effectivement très, très, très, très fines. Alors trop fines pour avoir effectivement titillé les oreilles des critiques de l'époque, alors sauf deux ou trois que je mentionnais, McDerib, etc., etc. Vous allez voir, et ça finalement c'est un commentaire que je me réserve pour la sortie de ce disque, que malgré tout, il va y avoir une amplification et une interprétation de la chanson phare de ce titre, de ce City Sleep, qui va créer scandale, ce sera localement, parce qu'en fait, je vous le redis, cet album décrit un petit peu ce qui se passe dans l'esprit d'un criminel en série et d'un sociopathe, mais surtout d'un pyromane. quand une des radios assez fortes dans la contre-culture américaine, et il s'agit en l'occurrence de WHFS, c'est une radio qui est basée à Baltimore, enfin elle est dans l'est des États-Unis, mais elle est dans le Maryland, elle est à Baltimore et aussi à Washington DC, donc elle a un rayonnement assez important. Elle a marqué aussi la contre-culture américaine. Hein. On est une radio musicale, certes, mais dès les années 70, quoi. Dans les années 80, c'est toujours le cas, et 90 aussi, ce sera moins après. WFHS va finalement être un très grand zélateur de ce disque, et surtout du single. Et au même moment, va apparaître à Baltimore un criminel en série, un pyromane en série, qui aurait été influencé par cette chanson. On écoute l'album, on y viendra après. Croyez-moi, l'affaire de Grand Buis, ça c'était même le Washington Post en était emparé dans une enquête fleuve au début de l'année 1992. Mais afin de mieux saisir finalement cette grand délire et cette délivrance aussi typiquement américaine, bah revenons et peut-être pour beaucoup découvrons cet album de 1992. Donc, Welcome to My Dream, ces rêves un peu maudits finalement de MC 900 Feet Jesus, alias McGriffith. Yeah.

The perfect gun is not visible. The perfect gun exists in the savage state. The perfect gun confers omnipotence. The perfect gun will follow the free tendencies of desire. The perfect gun is like a rosary around the neck. The perfect gun stretches as far as the eye can see. The perfect gun seeks all your reflected images. The perfect gun is sufficient unto the day. The perfect gun is nothing but a crossroads. The perfect gun keeps its promise for everyone. The perfect gun is a pill dropped in a glass of water. The perfect gun is the household crow. Perfect gun leaves in the shadow of perfumes. The perfect gun is an illusion on the surface of memory. The perfect gun is a finger resting on the controls of a broken machine. The perfect gun is too soft to be honest, and too honest to be true. The perfect gun turns as it pleases toward all horizons. The perfect gun is perfect sadism, at least as a method. The perfect gun is a flower beaten by the rough fever of the wind. The perfect gun can be rearranged in all possible combinations. The perfect gun is a beautiful chimera. Perfect. The perfect gun is an idealist without taking part in any ideal. The perfect gun takes the shapes and colors of demoralization and confusion. Perfect. The perfect gun crouches to intercept shadows. The perfect gun is not in the habit of saluting the dead. The perfect gun will always find buyers. The perfect gun is at most a thinking reed. The perfect gun has drawn the symbol of the infinite. The perfect gun is not incompatible with a certain nobility of thought. The perfect gun is walking over a blue glass. The perfect gun writes sad and ardent love letters. The perfect gun is a hierarchy like any other. The perfect gun is a door someone opened. The perfect gun implies that there are others behind it. The perfect gun is a dark intention. The perfect gun never waits for itself. The perfect gun is hard as the incredible hammering and no questions underneath. The perfect gun is a reference point. The perfect gun is neither my shadow, nor my double, nor my half, nor another myself. The perfect gun is blood at water level. The perfect gun is half of a destiny. The perfect gun has nothing to do before dying. The perfect gun leaves an exquisite corpse. Welcome to my dream. Voilà, bienvenue dans mes rêves, mais surtout dans ceux de MC 900 Feet Jesus. Quel nom, hein, quand même, donc alias Mark Griffin. Je rappelle l'origine du pseudo, hein, c'est juste génial, quoi. C'est emprunté à la vision d'un télé-évangéliste texan qui avait vu apparaître dans ses rêves un Jésus de 270 mètres de haut, lui, incombé, d'ouvrir un hôpital dans la région de Dallas, et puis du coup récolter accessoirement quelques menus fraises et dons auprès de, ben, auprès de ses ouailles. Je pense que c'est le mot qui s'emploie. À l'évidence, les allusions caustiques, voire bien au-delà du caustique de Mark Griffin à l'égard de religion et puis de l'American Way of Life, peuvent largement expliquer leur succès et l'infortune qu'il aura connue trois albums durant. Il y en avait même un quatrième en liste et finalement qui n'a même pas trouvé de maison de disque. Donc il y a une fatalité comme ça chez MC 900 Feet qui mérite, à défaut d'être dénoncé, au moins m'ont montré du doigt. Parce que ce disque, j'étais extrêmement content de vous présenter aujourd'hui, parce que pour le peu, un vrai disque outsider est tellement passé en dessous les radars depuis maintenant plusieurs générations que ça valait le coup quand même de souligner qu'en 1991, au moment où sort ce disque, on est là dans une alliance assez parfaite du sample et de l'instrument, quoi. Hein, cette trompette dont joue extrêmement bien Griffin, trompette elle sonne comme du Miles Davis, hein, vous avez vu, comme le meilleur du Miles Davis électrique 70s. Voilà, on entend par ailleurs aussi de la clarinette basse, enfin il y a tout un instrumentarium comme ça développé et largement orchestré aussi par les samples, quoi. Et puis l'autre facteur qui est vraiment saillant, c'est cette balance absolument superbe, pour le peu conceptuelle, narrative, entre les titres à texte, à proprement dit, et des ambiances instrumentales, elles, volontairement plus groovy d'ailleurs, quoi. Radio Nova avait été assez excité sur les... principalement sur le titre de fin, là, celui qu'on vient d'entendre, Dancing Barefoot. C'était vraiment dans l'airplay de Radio Nova pendant plusieurs mois, quoi. Et au-delà, d'ailleurs, ça fait partie, entre guillemets, de leur classique. Mais bon, ça n'a pas suffi à mettre le disque au firmament. Et puis surtout, ça a même occulté la poésie du disque lui-même et des textes très, très, très forts dont je parlais tout à l'heure. Il y a toute une génération qui va embrayer le pas à ce disque-là et qui va le vouer au pinacle, mais sans que ça touche le public. Il faut savoir qu'en 91, enfin au moment où sort le disque, Portishead n'est pas encore là, alors que Portishead va revendiquer ce disque comme une de ses influences. Même Massive Attack n'a pas encore sorti son disque. Bon, il est dans les boîtes, hein, il sortira la même année, mais rien de ça est encore connu aux yeux du grand public, même du public branché. Stereolab aussi qui évoque ce disque. Donc c'est intéressant de savoir que ça déborde largement du cadre qu'il a vu naître. Ça déborde largement un style, ça déborde encore plus même une attitude. Quant au contenu de l'album, j'ai suggéré, du coup je vais en parler un peu là parce que c'est une histoire incroyable, qu'il avait, entre guillemets, fait scandale. Alors ok, il y a scandale un peu... voilà, critiquer la religion, montrer un truc du doigt. Enfin, on sait très bien comme les Américains peuvent être frileux sur certains trucs. On sait très bien aussi comment ils ont la capacité de rebondir et d'engager une action contre-culturelle et lui donner aussi du rayonnement. Donc, c'est pas non plus quelque chose de. Il n'y avait pas une omerta réactionnaire vis-à-vis de ce disque. Mais par contre, il y a eu un rebond dans un fait divers un peu sordide qui a incombé du coup à Mark Griffin à la sortie de ce disque. Alors je remets dans le contexte. On est en 91, le disque sort, et je vous le disais, il y a cette radio qui est importante, hein, à l'est des États-Unis, qui rayonne sur Baltimore, dans le Maryland et puis Washington DC, qui s'appelle WHFS. WHFS, c'est une radio qui s'était jurée de jamais passer de tube. Et il s'engageait, c'est-à-dire que à l'époque où quand il jouait les Beatles en 70, bah il jouait pas Eleanor Rigby, mais par contre il jouait Revolution Number 9 ou bien des titres comme Tomorrow Never Knows, quoi. Et de fait, c'est une radio qui a toujours été un levier, hein, pour les expressions un peu indie américaines. Et la connexion se fait très très bien entre ce disque-là et le directeur des programmes de WFHS. L'album est playlisté, et le 45 tours est programmé, programmé, reprogrammé. Le fameux 45 tours, The City Sleep, qui là, clairement, nous met dans le cerveau d'un pyromane en série. Mais voilà qu'au même moment, il y a un pyromane qui intervient, à Baltimore même. Et bah oui, je vous le donne en mille. Le capitaine des pompiers lui-même va se plaindre auprès du directeur des programmes de WFHS et dire que ça va pas, on a un pyromane en série, et puis vous avez cette chanson là qui va s'immiscer dans l'esprit des jeunes et les pousser à faire des actions criminelles. Bah, évidemment, à la direction de la radio, les bras leur en tombent. Et puis, bah, chez MC Nanolid Feet Jesus, aussi. Mais l'affaire, elle va plus loin que ça. Parce que finalement, il y a une plainte qui est posée. Mark Griffiths, qui est à Dallas, ne comprend pas très bien ce qui se passe à Baltimore. Hein, ce n'est pas la porte à côté. Mais le Washington Post va s'emparer un petit peu de l'affaire. Et c'est pas juste un petit peu. Le Washington Post, pour mémoire, c'est eux qui déboulonnent Nixon avec la fameuse affaire du Watergate. C'est pas un petit journal local, quoi. C'est le Post, quoi. Et le Post va se fendre le 29 janvier 1992, exactement, d'un très très long article signé par Richard Harrington. Voilà, on tient son nom, et c'est une très grosse enquête qui va aller, du coup, battre un peu campagne, quoi. Et puis, bah, comme le ferait n'importe quelle enquête journalistique rigoureuse, faire parler les uns et les autres. Le capitaine des pompiers, lui, il en démord pas. Il pense qu'il y a un lien évident entre la chanson et les actions criminelles qu'on suivit. Mark Griffin lui-même qui est interviewé, et puis alors pour le peu, on l'interviewe sous le nom de Mark Griffin, on n'ose pas écrire MC9 ou Lutz Fit Jesus, parce que ça, forcément, ça ferait encore plus hurler les réactionnaires du cru. Il dit, mais attendez, vous êtes dingue, moi je m'inspire d'un univers noir, c'est pas parce que quelqu'un va écrire un roman noir qu'il est criminel, c'est pas parce que quelqu'un va faire un film de gangster qu'il va dégommer des personnes dans la rue, moi c'est pas parce que je raconte l'histoire d'un pyromane que je leur demande aux gens d'aller allumer des feux dans le premier McDonald's qu'ils croisent. Donc, mine de rien, c'était pas du tout évident de faire passer la parole. Il y a une réaction, du coup, extrêmement intéressante et drôle, parce que c'est pas mal que... Alors, l'affaire se tasse au bout d'un moment, mais voilà, il y a quand même le Post qui sort un article de 3 pages sur le machin, quoi. Et dans la foulée, ce que va faire WFHS, c'est qu'ils vont composer eux-mêmes, et c'est très drôle parce que MC9 lui-même n'était pas au courant, ils vont faire eux-mêmes une parodie du titre. Alors, je reviens un petit peu sur ce qui a suscité polémique, hein, un peu. A broken window in a empty house. I sleep inside and begin to douse the whole place with the fuel that will feel the fire and push back the night, taking me higher. Voilà, une vitre cassée dans une maison vide, je me glisse à l'intérieur et commence à asperger tout l'endroit avec le carburant. Je repousse la nuit qui m'amène toujours plus haut. Voilà, cette chanson va être entièrement parodiée dans celle que je vais vous faire entendre, qui n'a pas de titre, mais qui décrit exactement la même scène, mais non pas du point de vue d'un pyromane, mais du point de vue d'un pâtissier qui fabrique des donuts. Voilà. Everybody's got a secret he keeps. I make donuts while the city sleeps. Écoutez cette version, c'est absolument savoureux. Urging me on to fulfill their needs, knowing all too well where their action leads. So I turn at the corner, and then at the light. Though it's 4 a.m., it still feels like midnight. Clutching the tools of my trade in my hand, an old egg beater and a lightly greased pan. The darkness inside, not sure if I should go. Sail on a dozen sign hangs in the window, soon filling my creations in this quiet place, where the fried dough and chocolate icing embrace. Kitchen like a French gourmet, a dim reflection from the silverware tray. Ingredients beckon from every side, into the bowl like an incoming tide. A heated oven will become their house, till I take them out and begin to douse the whole tray with the sugar from the powder sifter. The job could not be done any swifter. Now morning comes with a silent roar. The sign says open as I unlock the door. A simple turn of the wrist will suffice to bring the masses to my breakfast paradise. I pause and think where I left the broom. The smell of decaffeinated permeates the room. Everyone has a little secret he keeps. I make the donuts while the city sleeps. Donut makes a graceful arc to the floor. I put it back on the tray. There's no one else in the store, which now explodes with a crowd who only want one thing. I keep the line moving, hear the register sing. I reach for a cream filled, then for a plain, then for one that was drenched in a cinnamon rain. I ring up the order. It's a beautiful sound as I'm calling all the names of the donuts all around. People buy a few dozen, and as they pay, my donuts sprout wings and fly away. And when at last I run out of stock, they hurry to the donut shop down the block. I'm through another morning with the greatest of ease. The day's now mine to do as I please. Thank God I work here and not at a deli, as I reach in my pocket and pull out a jelly. By broadcasting this musical selection, WHFS does not in any way endorse the production or consumption of donuts, pastries, crullers, buns, hot cross, or sticky, croissants, muffins, Napoleon Seclairs, or any other calorie-rich edible product, deep fried or baked. This song does not reflect the eating habits of the employees of WHFS, its management, or its offspring. Thank you. Yeah. voilà, l'original rencontre la parodie. Il fallait quand même évidemment que je mette les points sur les i. Hein. Donc cette histoire, voilà. Si vous avez bien écouté la version parodique hein, de Radio WHFA, voilà, on parle vraiment. Il y a cette conclusion où le speaker dit voilà, on est absolument pas tenu hein, responsable de tout débordement, de cuisson outrancière, de ce qui se passerait avec les donuts. Hein. C'est pas notre faute, faut pas aller dessus. Donc on parle à un moment même des donuts qui vont prendre leur liberté, ils vont s'envoler eux-mêmes une fois cuits, hein, à minuit, par-dessus cette ville qui dort. Les donuts vont avoir leur propre vie, quoi. Les beignets, hein, je traduis au cas où ça aurait échappé à quelques-uns d'entre vous. Voilà. Comte de, tu sais que cette chanson, enfin le beat, le très très particulier, indus et à la fois léger, hein, qui ponctue quand même toute la narration de ce titre, a été piqué par YouTube. Et je suis pas du tout certain qu'il y ait eu un clirage net là-dessus, parce que c'est juste un beat, quoi. Mais attention, c'est celui qui donne tout le son au morceau. Donc là encore, je peux pas m'empêcher de penser qu'il y a eu encore une voilà, que Mark Griffin a encore raté la marge de quelque chose et peut-être voilà, et là peut-être pas de manière si strictement honnête, même si je pense que bon, comme U2, ils ont les moyens de payer des samples et clearer les samples, je suis pas sûr non plus que voilà, ils étaient dépossédés complètement sur ce truc-là. Enfin voilà, ça en dit long. C'est-à-dire que de Stereolab à U2, en passant par toute la clique Portishead et Massive Attack, voilà, les gens ont été marqués par ce disque, mais le public l'a pas acheté, je le répète. Petite injustice qu'on aura essayé de réparer aujourd'hui. Mark Griffin, donc MC Nanojit Fit Jesus, et au milieu de sa carrière à ce moment-là. Et finalement, elle aura dû exploser, et elle va même finalement peut-être un tout petit peu mieux se distinguer dans le 3 ans après, quand il va sortir son 3e album, en fait, dont le titre m'échappe, tiens, j'aurais dû noter ça sur un coin de ma tête. Et le disque est d'ailleurs bien, mais il n'a pas ce concept aussi fort, à mon avis, du deuxième. Et du coup, Mark Griffin va abandonner assez lentement la musique, hein. Quand bien même il est un musicien doué. Donc, puis il est doué sur pas mal de choses, parce que c'est quelqu'un qui avait été, ça va être une grosse tête, quoi, un peu matheux, et du coup il va faire une formation de pilote de ligne. Et il peut l'être, il va le faire au début des années 2000, en 2001, et paf, patatras, manque de bol, 2001, bah, année pas terrible pour les pilotes d'avion, c'est le 9-11-2001, hein, le septembre 2001, le 9 septembre 2001, voilà, on n'embauche plus de pilotes d'avion, il n'y a plus d'avion dans l'air, quoi. Les tours de New York, les tours jumelles se sont effondrées, c'est l'attaque qu'on connaît. Donc là encore, bah, revirement de situation où Mark Griffin dit « bon, décidément, je vais faire autre chose ». Alors l'histoire n'est pas si triste que ça, Mark Griffin va en fait essayer de redonner une impulsion à une carrière de musicien, et en fait en devenant DJ à Dallas, dans des clubs de jazz, à la fin des années 2000, enfin, à partir de 2007-2008. Et puis, ma foi, y a, sur Facebook, on peut lui dire bonjour. Il y a un quatrième album qui est prêt à sortir, mais sur lequel il garde un petit peu secret. Voilà. Donc, c'est une légende comme ça, un petit peu cachée. Pas complètement non plus, mais il y a pas mal de voiles autour de ce personnage-là qui méritait d'être comme ça un peu effeuillé aujourd'hui. Welcome to My Dream reste un sommet particulièrement... réussi, audacieux, mais aussi sensuel et groovy, quoi. La balance est très dure à trouver. La conclusion de l'album qui suit, elle, qui arrive donc en 1994 ou 1995, je vous ai dit, il y a eu ce Falling Elevator, c'est-à-dire le tout premier morceau du disque qu'on écoutait, avec cette trompette totalement dans l'esprit de Miles Davis, son esprit électrique fusion des 70s. Est devenue la bande-son d'une publicité pour les Levi's, les Levi's 501. Publicité starring d'ailleurs Béatrice Dalle, c'est vous dire. Bah, ça n'a pas suffi à consacrer la musique, mais néanmoins, ça a fait rentrer dans à peu près tous les foyers de France et de Navarre et d'Europe et du monde, cette musique-là. Ça suffit pas. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que c'est le tout dernier single que fera paraître MC 900, après 5 ans, quoi. C'est-à-dire que, voilà, et malgré tout, ça marche pas. Il arrête. Et afin de se quitter, finalement, j'ai utilisé une image plus poétique et peut-être plus à la fois sombre et sibylline. C'est le dernier morceau de son dernier disque, mais qui du coup paraît techniquement avant le dernier single, puisque vous m'avez compris, le dernier single, c'est un morceau qui a 5 ans d'existence. Donc le dernier disque, dans l'actu du dernier disque, voilà, il y a une succession de titres qui sont un petit peu plus bigarrés, je vous le disais, moins construits conceptuellement au niveau d'un texte, mais avec à profit des humeurs, voire des petites incrustations de field recordings absolument intéressantes. Le tout dernier morceau de ce tease, donc la conclusion de cette saga, parce que finalement il n'y aura plus jamais une suite, c'est le morceau qu'on va entendre. Ça s'appelle Rhubarb. Rhubarb, exactement, comme les confitures, quoi, du même nom. Et ben, vous allez voir, c'est une causerie autour d'une table et avec de très belles nappes, de très beaux drones qui viennent comme ça s'ajouter dessus de manière assez fantomatique. C'est à la fois hyper concret et complètement irréel. C'est la parfaite conclusion d'une carrière trop courte, mais peut-être pas strictement finie quand même, de Mark Griffin, alias MC Nano Richfield, Jesus. Trick photography scenes where they do like the putting.